je baisse tout comme DJ Snake. Tout le monde m'attend au play, je t'oublie mon lopé. Ouais, je sais, tu sais que je t'aide ça. J'ai des réseaux, mais pas le temps de faire du social. J'ai pas Tony qui a gagné, non, c'est Sosa.